Préparer l'aspirine, de tous les concepts traités sur Podcast Science, de la théorie des cordes à l'énergie noire en passant par le chat de Schrödinger, aucun de ces thèmes n'est conceptuellement aussi difficile à appréhender pour l'esprit humain que celui dont nous allons traiter ce soir. Vous êtes sur Podcast Science, épisode 74 ou 74, et les cerveaux vont chauffer. Nous sommes le mercredi 22 février 2012 et nous embarquons pour l'infini et au-delà. Bonsoir à tous. Donc Alan, professeur Fon aux commandes. À mes côtés, une équipe au grand complet ce soir. Je crois qu'on a tout le monde. On va commencer par qui, honneur ou fille. Hélène, t'es avec nous? Oui, bonsoir. Salut Hélène, bienvenue. On a Marco. Salut à tous. Salut Alan. Salut Marco, bienvenue. On a Franck. Ouais, salut tout le monde. Tout va bien, salut Franck. Et puis ce soir, on a un petit nouveau. C'est Nico Tup qui nous avait pitché son dossier sur l'infini la semaine dernière. Donc Nico Tup, Nicolas, comment tu préfères qu'on t'appelle? Oh, n'importe. Les deux, ça okay. Va. Nico et Nico Tup. On va dire Nico, c'est plus simple. Et bonjour en tout cas. Ben, salut Nico, bienvenue à toi. Donc on va très vite entrer dans le vif du sujet. En fait, tu es là pour nous parler de l'infini, c'est ça? C'est ça. Histoire de commencer légèrement, j'ai décidé de choisir le sujet le plus important de tous les sujets, vu que j'ai parlé d'un sujet qui pourrait tout regrouper, à savoir l'infini. Alors comme disait Alan à l'instant, c'est une notion qui est assez intéressante, parce qu'on en a tous déjà entendu parler, mais c'est assez dur à définir, et il y a beaucoup de gens qui ont essayé de s'y atteler. Donc on en entend parler aussi bien, on peut en avoir peur parce qu'il y a l'infiniment grand, il y a tout l'univers qui a pu faire peur. Alors j'entrerai pas trop dans ces domaines-là, moi ça va plutôt être l'infini en mathématiques. Mais il est intéressant de noter qu'on n'a pas toujours peur de l'infini, ça peut aussi nous rassurer. Par exemple, on a beaucoup plus de mal à imaginer que la vie est finie, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il n'y aura plus de vie, il n'y aura plus de temps qui avancera, que de penser que le temps est infini. C'est un exemple amusant sur l'infini. Mais alors, attends, excuse-moi. Ouais. J'ai pas compris. Ce que je disais, ouais. Ouais. Alors en fait, sur l'infini, ce qui est amusant, c'est qu'on a une notion qui fait peur au premier abord. Mais en fait, sur l'exemple du temps, si on essaie d'imaginer un temps fini, c'est assez effrayant de se dire qu'un jour, tout ce qui avance, tout le temps, va s'arrêter. Alors c'est pas, je dis pas que c'est vrai, je dis que c'est quelque chose qui peut perturber. Donc c'est un des exemples où on est plus rassuré pour l'infini. Bon, c'était pour essayer d'être rassuré, c'est infini. D'accord. A priori, c'est un peu raté. Bon, en tout cas, bon, c'est une notion qui est intéressante du point de vue mathématique, d'abord parce que ça fait très longtemps qu'on se pose des questions dessus, et surtout parce qu'on a tous entendu parler. Et ce qu'on va voir dans ce dossier, c'est que la personne qui a un peu permis de dénouer les choses de l'infini, pas sans douleur, qui s'appelle Cantor, a fait ça avec a démontré ses résultats avec des méthodes extrêmement simples, parce qu'on va pouvoir dans ce podcast et même faire des démonstrations. Alors pour commencer, wow. Je vais vous faire un petit historique de l'infini. Alors la première apparition en mathématiques, parce que si on parle dans la tête des hommes, c'est un peu compliqué de placer la première apparition de l'infini, mais pour son apparition en mathématiques, c'est sans doute Pythagore et ses élèves. Mais est-ce que c'est pas la mort, la première apparition de l'infini? Est-ce que c'est pas la conception de la mort? Et alors il y avait quoi avant la mort? Non, mais je veux dire que concevoir la mort, c'est concevoir l'infini, parce que c'est concevoir justement l'éternité. Enfin bref, vas-y, je voulais pas te couper. Ouais. Alors ça, c'est intéressant, parce que l'infini, en fait, c'est un sujet donc, qui a intéressé les mathématiciens, qui a intéressé les physiciens, et qui a aussi beaucoup intéressé la religion, la théologie, ouais, etc. Voilà, justement, donc ouais. On va pas trop rentrer là-dessus, enfin, on pourra en discuter à la fin, mais là, on va essayer de se placer sur des bases rationnelles et logiques. Ouais, on pourra étendre. D'accord. Alors sachant que Cantor, à la fin de sa vie, est devenu un peu fou, et était convaincu que toutes ces théories de l'infini lui avaient été offertes par Dieu pour qu'il puisse le diffuser aux hommes. Donc, il y avait quand même de la théologie dans les fonds. Donc ce que je disais, c'est que, et ça va t'intéresser, c'est que la première apparition qu'on a de l'infini dans la réalité, c'est quand les pythagoriciens se sont amusés à dessiner un carré. Parce que bon, à l'époque, les mathématiques servaient beaucoup d'un point de vue très pratique pour mesurer par exemple des aires. Et donc, les pythagoriciens, c'est les élèves de Pythagore, c'est ça? Voilà, c'est Pythagore et ses élèves. Alors, je suis pas très spécialiste du domaine, mais je crois que c'est un peu dur de différencier ce qui est du domaine du travail de Pythagore, s'il a existé, et de ses élèves. Hein. Mais bon, c'est A carré plus B carré égale C carré. Ben, tout à fait. C'est-à-dire que si on dessine un carré qui a un côté 1, Donc un carré, on lui donne un côté de l'unité. Sa diagonale, elle fait, selon le théorème de Pythagore, Ah racine de deux. racine de 2. Alors racine de 2, ce qui est assez intéressant, c'est que les pythagoriciens ont très vite donc connu racine de 2, qui paraissait être un nombre normal. Mais le petit problème de racine de 2, c'est qu'il avait une infinité de décimales. Ils essayaient de calculer les décimales, ils se rendaient compte qu'il en avait une infinité. Alors heureusement, à l'époque, ce n'était pas le premier nombre où on avait une infinité de décimales, il y en avait d'autres. Il y avait par exemple un tiers. Donc tout le monde sait a priori qu'un tiers, on a 0,33333. Donc il y a aussi une infinité de décimales. Mais la particularité d'un tiers, c'est que ces décimales se répètent à partir d'un certain moment. C'est-à-dire que, en fait, dès qu'on a fait la première décimale, 3, on la répète une infinité de fois. Donc c'est pas très compliqué. Et ça se traduit par le fait qu'on peut écrire un tiers, comme la division de deux entiers. 1 divisé par 3. Et il se trouve que racine de 2, on peut démontrer qu'on ne peut pas l'écrire comme la division de deux entiers. Donc c'était un nombre avec une infinité de décimales qu'on ne pouvait pas écrire comme la division de deux entiers, et ça a pour conséquence qu'il n'avait pas de répétition, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir de cycle dans ces décimales. Donc c'était vraiment un nombre avec une infinité de décimales où pour les connaître, il n'y avait pas d'autre moyen que les calculer. On n'avait pas de méthode évidente pour connaître directement la décimale qu'on voulait. Donc là, c'était une première apparition de l'infini qui était très troublante pour l'époque parce qu'on pensait qu'avec des nombres finis, des entiers, on pouvait faire des calculs sur des choses qu'on arrivait à tracer. Une diagonale d'un carré, c'est rien de très compliqué. Alors là où je disais que c'est assez proche de la physique, c'est qu'une diagonale de carré, c'est très simple à tracer. Et pourtant, ça a une longueur qui est infiniment, où on a besoin d'une infinité de décimales pour la mesurer. Ouais. Donc en fait, l'homme a découvert l'infini quand il s'est rendu compte qu'il y avait des nombres qu'il ne pouvait pas écrire parce qu'il y Alors, avait trop de décimales. je dirais que c'est plutôt les mathématiciens, parce que Oui, l'homme, d'accord. il s'est. Disons que du fait de la religion, on mettait l'infini un peu partout, on parlait d'un dieu infini, etc. Là, c'était vraiment quelque chose qu'on pouvait toucher, c'est-à-dire que la longueur d'une diagonale, on ne pouvait pas l'écrire simplement. On devait l'écrire avec une D'accord. infinité de décimales. Bon, après, on a utilisé une écriture plus simple, mais c'est-à-dire la racine carrée. Alors ça, c'était au 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors après, si on continue à remonter un peu, on a le 5e siècle avant Jésus-Christ où il y a le paradoxe de Zénon, donc, dont Mathieu avait déjà parlé dans un podcast, et j'ai mis le lien dans le dossier, donc je ne Exactement, vais ouais. pas en reparler en détail. Et j'en ai parlé dans mon teaser dernière, donc il y a plein de moyens d'avoir des détails sur ce paradoxe. On pourra en parler à la fin si vous voulez. Et tout ça, donc, c'est des siècles avant Jésus-Christ. Et ça a continué à occuper les mathématiciens jusqu'au 19e siècle, où là arrive Cantor et sa théorie de l'infini. Alors ce qui est assez intéressant là, c'est que donc c'est une notion qu'on a rencontrée assez tôt, même en mathématiques, et pourtant qui a continué à poser des problèmes. C'est-à-dire que on ne savait pas trop ce qu'était l'infini, et l'idée commune était de dire que c'était un grand nombre. C'est-à-dire que, par exemple, on a Aristote qui, au 4e siècle avant Jésus-Christ, définit l'infini en disant, bon, l'infini est ce qui ne se laisse pas parcourir et qui n'a pas de limite. Donc c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui est très grand où on ne peut pas aller au-dessus. Donc ça c'est un peu l'idée qu'on avait de l'infini, quelque chose qui est à la limite, qui est très loin. Et pourtant, on a des ensembles, par exemple l'ensemble des entiers, qui contiennent une infinité d'éléments et dont on arrive à parler de notions de limite, c'est-à-dire les entiers, il y a une infinité d'entiers. Ou plus simplement, quand on a un. Ouais. Qu'est-ce qu'il appelle qu'il ne se laisse pas parcourir? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas entièrement le parcourir? C'est ça, si tu imagines une droite, Ouais. on ne peut pas aller jusqu'au bout de la droite, parce qu'on pourra continuer, continuer, continuer, on finira jamais la Bah droite. si je trace un cercle, je peux tourner autour du cercle et tourner Alors, tout à fait. Le cercle, Bon, on d'accord. tourne indéfiniment, on revient sur ses barres, ça on pourra en parler tout à la fin, mais le D'accord, cercle n'est d'accord. pas une droite, sauf dans certaines géométries un peu étranges, mais la droite, qui donc ne revient pas sur elle-même, on peut la parcourir jusqu'à l'infini. Ou Mais est-ce même qu'un quand. cercle est infini? Si je pars du, enfin, le tour d'un cercle, est-ce que c'est infini? Alors, Non. le cercle, il y a de l'infiniment petit dedans. C'est-à-dire que, un peu sur le. Du coup, je vais revenir sur le paradoxe de Zénon. Le paradoxe de Zénon, c'est s'amuser à prendre le milieu d'un segment, puis le milieu du milieu, puis le milieu du milieu du milieu, etc. On peut faire ça une infinité Ouais. de fois. Donc, il a une longueur finie, qui en plus est donnée grâce à pi, on peut calculer, et son rayon, on peut calculer la circonférence. On a des infiniment petits les uns à côté des autres. Donc c'est pas parce qu'il est d'une taille finie qu'il ne peut pas avoir de l'infini à l'intérieur. Ouais. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Bon, là, de toute façon, c'est sur des notions d'infini assez. Bon, c'est beaucoup d'idées d'infini. Pour l'instant, on n'a rien de très concret, de très rationnel, et on va y venir maintenant. C'est-à-dire que un autre exemple d'infini à la limite, justement, c'est l'idée de compter. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu parler de l'infini. Et moi, ça doit être une fois où j'étais rentré assez fièrement voir chez mes parents et j'avais dit à mon père que j'arrivais à compter jusqu'à 28, parce que c'était une prouesse à l'époque. Et je lui dis assez fier en me disant, est-ce que tu... Et toi, tu arrives à compter jusqu'à combien? Et là, il me dit, bah, moi, je peux compter jusqu'à l'infini. Donc là, c'est la première rencontre où déjà compter jusqu'à l'infini, c'est assez étonnant. J'aurais eu un peu de répartie à l'époque, je lui aurais demandé de me le montrer. Parce que justement, il n'aurait pas réussi. C'est-à-dire qu'on a une méthode pour compter, pour ajouter un nombre à chaque nombre. On peut faire ça une infinité de fois, mais en l'occurrence, on ne peut pas compter jusqu'à l'infini. Ouais? Bah Et si. donc, oui, tu arrives Bah à si, compter mais on jusqu'à n'a jamais l'infini? fini quoi. Voilà, on n'a jamais fini. Donc tu peux pas compter jusqu'à l'infini, le temps d'une vie D'accord, ou un temps ouais. Ouais, ou c'est un ça, temps il faudrait fini. avoir un temps infini à Voilà, il disposition. faudrait avoir un temps infini à destination. Donc c'est un peu gênant. En particulier, si on voulait s'amuser à comparer l'ensemble des nombres pairs et l'ensemble des nombres en lui-même pour savoir lequel a plus d'éléments, si on s'amusait à les compter, on n'y arriverait pas. Parce qu'il faudrait compter deux fois l'infini, et donc deux fois une infinité de temps, donc on n'aurait jamais fini pour comparer ces ensembles. Alors, du coup, il fallait trouver une autre méthode pour compter. Et alors c'est là où Cantor a eu une idée assez intéressante, et on va voir si vous avez la même idée, c'est-à-dire comment faire si on ne savait pas compter, et comme c'est un podcast de vulgarisation, on ne sait rien, on ne va pas supposer qu'on sait compter, comment faire pour comparer deux ensembles? C'est-à-dire, par exemple, si on utilise justement Podcast Science, on a... alors j'avais compté, je ne sais plus où est mon compte, je ne vais pas le retrouver bien sûr ici. Si voilà, on a 44 épisodes jusqu'à la fin du monde, donc jusqu'au 21 décembre 2012, donc un nombre fini d'épisodes, et on aimerait être sûr qu'on a suffisamment de dossiers préparés pour tous les épisodes jusqu'à la fin du monde, pour 44 épisodes. Donc une première solution serait de compter le nombre de dossiers, de compter le nombre d'épisodes et de comparer qu'ils sont bien égaux. Alors, quelle autre solution on pourrait utiliser pour réussir à être sûr qu'il y a bien le même nombre d'éléments des deux côtés? Est-ce que quelqu'un a une idée déjà? Bah, Donc moi j'en alors, ai une, on peut pas mais j'ai vu comparer ton les deux. dossier donc c'est de la triche. Ah. Alors, en fait, tu peux pas comparer les deux, mais c'est même sans doute ce que tu fais, Alan. Par contre, c'est plutôt que compter chacun des dossiers, tu auras plus tendance à associer à chaque date un nom de dossier, un sujet. Ouais. Ok, ouais. Où je me traîne. D'accord. Donc, Et donc semaine ça, prochaine, dossier justement, numéro 1, semaine suivante, dossier numéro voilà, 2, etc. D'accord. etc. C'est-à-dire semaine prochaine, bah, dossier sur la politique et les Anonymous. Là, dans 2 semaines, je sais pas ce que c'est comme dossier, etc. Donc à chaque dossier, à chaque date, on associe un dossier. Et alors là, on n'a pas besoin de compter. C'est-à-dire que si on a associé tous les dossiers et qu'il reste des dates, ça veut dire qu'il y avait moins de dossiers que de dates. Si on a associé tous les dossiers et qu'il reste encore des dossiers alors qu'il reste plus de dates, c'est qu'il y avait plus de dossiers que de dates. Oui? Ok. Vous êtes super intelligent en fait les matheux. Pourquoi? C'est une méthode. Alors c'est une méthode pas si extraordinaire que ça. C'est la méthode qu'on fait en soirée. C'est-à-dire qu'en soirée, quand on a besoin de distribuer de l'alcool parce qu'on boit un peu d'alcool en soirée et qu'on veut distribuer des verres, très rarement on compte le nombre de verres et on compte le nombre d'invités. On a plus tendance à distribuer les verres à chacun des invités. Ouais. Ah ouais. Ça paraît Ah, je rationnel. comprends mieux avec des verres, moi. Et justement, pourquoi? On se rend assez compte s'il n'y a pas assez de verres, vu qu'il y a au moins un invité qui râle, et s'il y a trop de verres, il reste des verres sur la table. Alors, cette Sauf quand on fait le opération a un champagne, nom. parce que quand on fait le champagne, on sert tous les verres en premier. Voilà, on sert tous les verres en premier quand on se fait le champagne. Mais ça assure pas que tout le monde ait un verre. Et donc, cette opération, ça a un nom en mathématiques, ça s'appelle une bijection. Alors, une bijection, qu'est-ce que c'est précisément? C'est le fait d'associer de manière unique un élément de l'ensemble de départ, donc ici l'ensemble des dates de podcast science, à un ensemble de l'espace d'arrivée, donc les sujets de dossier, ou encore un verre à un invité. Et on Ok. associe de manière unique un verre à un invité, et inversement, un invité à un verre. Donc on est sûr qu'au bout on peut retrouver le verre d'un invité en regardant au bout de son bras, et inversement, en regardant ce qui tient le verre, on retrouve l'invité à partir du verre. D'accord? Ok, Ouais, ça ah, n'a pas d'accord. l'air trop compliqué, c'est bien. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Alors, Jusque-là, je suis. ce qui est C'est pas un extrêmement truc, c'est intéressant pas un sur cette truc notion sexuel une de... bijection alors. Non, c'est pas un truc sexuel. Ça peut peut-être devenir. Alors, ce qui est très intéressant avec cette notion de bijection, c'est que ça permet aussi de comparer des ensembles infinis. Parce que là, comme on n'a plus besoin de compter, on va pouvoir réussir à comparer des ensembles infinis. Après, on peut essayer en tout cas de le faire parce qu'on n'a plus besoin de compter, on va plus avoir besoin d'un temps infini pour le faire. Donc, tant qu'à y être, on était sur la métaphore de Podcast Science et on parlait de la fin du monde. Je sais que vous y croyez pas spécialement à la fin du monde. Il me semble que vous en aviez déjà vaguement parlé. Du coup, on va supposer qu'il n'y a pas de fin du monde et qu'il y a une infinité de dossiers de podcast science à préparer. Et comme le travail a bien été fait, on va supposer que tous les épisodes de podcast science jusqu'à la fin des temps sont préparés. Donc on a Ouais, bien moi fait de lancer j'ai une l'idée. On objection à continue. faire, c'est que. Ouais. Ouais, non, excuse-moi, vas-y, continue. Je la ferai plus tard tout à l'heure. Donc imaginons qu'on ait tous les dossiers de Podcast Science qui soient préparés. On a à chaque date un dossier, un sujet qui est préparé pour Podcast Science. Mais là, on arrive, on a une semaine où on reçoit un mail avec un dossier génial, extrêmement intéressant, tout aussi intéressant que tous les autres qui sont préparés, et on aimerait le pro. Alors, est-ce que c'est possible de le faire? Alors, c'est une question qui s'est posée Cantor, et en fait, c'est une question à laquelle on a vu une réponse qui était exprimée sous forme d'un paradoxe depuis longtemps. Très simple, qui consiste à dire, eh bien, il y a un nouveau dossier à placer, donc je vais demander à tous les. Je vais choisir de décaler tous les dossiers d'un épisode. C'est-à-dire que le dossier numéro 1 qui était associé à la date de la semaine prochaine, qui doit être le 29, il va être décalé à la semaine suivante, et etc., ainsi de suite. C'est-à-dire que tout dossier a une nouvelle date, la date de la semaine suivante, et la première date est vide, il reste une place pour le dossier qui a été proposé. On est d'accord? Oui, on est Jusque-là, d'accord. ça va, ouais. Tout à Donc, fait. là, j'ai juste démontré que l'infini à quel on rajoute un élément, c'est toujours le même infini. Tout va bien Ouais. jusque-là. Donc, très bien. Alors, déjà, ça, c'est assez étonnant, hein, parce que, a priori, quand on rajoute un élément à un nombre normal, le nombre est plus grand. Là, pour les ensembles infinis, on a le même nombre d'éléments. Alors, qu'à cela ne tienne, le bouche à oreille marchand, il paraît que Podcast Science est un dossier où on peut rajouter encore des dossiers alors que tout est préparé. Et donc là, la semaine d'après, il y a une infinité de mails qui arrivent. Alors, une infinité de mails, ça commence à faire beaucoup. Mais une autre idée de Cantor a été de dire, enfin, pour le coup, ces deux idées-là, je ne suis pas certain qu'elles soient de Cantor. Hein. J'ai pas réussi à trouver de qui elles étaient, mais Cantor les utilise au début. Qui est de dire. Bon, ben on a le dossier numéro 1 qui est associé au podcast numéro 1, le dossier numéro 2 associé au podcast numéro 2. Je vais tout déplacer et je vais choisir que mon dossier numéro 1 va au podcast numéro 2, le dossier numéro 2 au podcast numéro 4, et ainsi de suite. C'est-à-dire que je multiplie par 2 le numéro du dossier et ça me donne le numéro du podcast auquel on fera ce dossier. Ouais? Toujours, C'est-à-dire toujours, que c'est maintenant, bon. mon infinité de dossier est associée au numéro de podcast pair, qui me reste l'infinité impair. Donc tout va bien, je peux associer à tous les nombres impairs l'infinité de dossiers qui m'a été proposé. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à infini plus infini et encore égal au même infini. Donc infini fois 2 égale infini. Je préfère dire infini plus infini parce qu'infini fois 2, ça veut dire que tu peux multiplier par 2 par l'infini, c'est autre chose. Tu as défini une autre notion qui est la multiplication. Donc on va plutôt dire infini par infini. D'accord. Infini plus infini. Mais Oui. bon, donc on peut dire deux fois infini aussi. Bon, moi, l'idée, surtout, ce qui est important, c'est que là, on peut rajouter une infinité d'éléments à cet ensemble, ça reste le même infini. Ouais. Et surtout, en fait, on peut continuer ça beaucoup de fois. Alors, pour l'anecdote, là, la métaphore, d'habitude, ce n'est pas la métaphore podcast science, on utilise plutôt la métaphore de l'hôtel de Hilbert, qui est un hôtel avec une infinité de chambres qui sont toutes pleines et auxquelles arrivent une infinité d'invités, etc. Et alors, on ne commence personne. Un bus infini avec une infinité d'étages, une infinité de bus avec une infinité d'étages, etc. Et tout ça peut rentrer dans l'hôtel de Hilbert. Ce qui est assez merveilleux. C'est de l'hôtel. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est ça, Je c'est de dis c'est de l'hôtel. Parce que... Et l'hôtel. plus amusant encore, c'est que il y a autant. On peut, à partir d'un hôtel de Hilbert plein, on peut faire un hôtel de Hilbert vide. Mais bon, c'est encore un autre truc amusant avec l'infini. Mais en tout cas, tous ces ensembles ont la même taille. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des ensembles infinis dénombrables. Dénombrables, pourquoi? Parce qu'on arrive à associer un numéro à chaque élément. C'est-à-dire que là, dans l'exemple du podcast, on arrivait à dire podcast numéro 1, podcast numéro 2, etc. sur chaque dossier. Dans l'hôtel de Hilbert, pour chaque personne, on arrivait à lui donner un numéro de chambre. Oui, D'accord? d'accord, ok. Oui. Et donc ça, c'était l'apparition des... Ouais. Ouais, non, j'ai Alan. un problème conceptuel là. Donc on arrive à associer un numéro à chacun. On arrive à associer un numéro au premier, en fait, mais on n'arrive jamais au bout. On n'arrive jamais à atteindre. Si, parce que tu. Non, non, tu associes un numéro à chacun. Si on reprend, on va refaire avec la métaphore de l'hôtel, comme ça fera un autre exemple. Ok. Quand on a eu un bus infini qui arrive, au début, j'avais mes personnes dans l'hôtel. Je dis juste à la personne de la chambre 1 d'aller à la chambre qui correspond au double de son numéro de chambre actuel. Donc la 1 va dans la 2, la 2 dans la 4, etc. Donc tous, ils ont une nouvelle chambre d'arrivée. Et ça peut se passer en un temps record. Bon, sauf qu'il y a des distances de plus en plus longues à parcourir, mais comme on est dans un monde de mathématiques, tout le monde va à une distance. Enfin, il n'y a pas de C'est pas notion de grave, tout le vitesse. monde voyage à la vitesse C'est de pas la grave, mais en lumière. tout cas, on a réussi à associer à chaque élément une chambre. Et c'est ça qui est le plus important. D'accord, mais c'est le nombre de chambres qui est infini. Voilà, le nombre de chambres est infini, mais il faut bien comparer, par exemple, ce qu'on peut avoir envie de faire quand on entend parler d'infini, c'est on n'a pas besoin de déplacer les gens, on va dire à la nouvelle personne qui arrive d'aller à la chambre la plus loin. C'est-à-dire, il frappe dans toutes les chambres et dès qu'il en trouve une vide, eh bien, il rentre dedans. Ça marche pas parce que toutes les chambres auxquelles il va frapper, elles seront vides. Elles seront pleines. Oui. Ouais? C'est-à-dire, si je lui dis Ouais, frappe dans sauf toutes les pour la chambres et dernière. voilà. Ben non, il n'y a pas de dernière chambre. Non, mais il y a un dernier, y a un dernier locataire, j'imagine. Ben Non. non, il n'y a pas de dernier locataire, c'est infini. D'accord. C'est-à-dire qu'au contraire, tu peux demander à tous les locataires d'aller dans la chambre d'à côté, mais on ne pourra pas trouver de dernier locataire et de dernière chambre vide, parce que c'est un ensemble infini. Ok. Et c'est justement une grosse différence avec les ensembles finis, c'est-à-dire que si on faisait se décaler tout le monde d'une chambre dans un ensemble fini, il y en a un qui se ferait mettre dehors de l'hôtel. Hein. Donc ça poserait un certain problème. DSK. Voilà, par exemple. Au Je pense hasard. qu'il aimerait beaucoup être dans un hôtel infini. Mais c'est un autre sujet. Alors là, ce qui est intéressant, c'est surtout, on a réussi à voir qu'il y avait plein de choses très d'ensemble infini, donc l'ensemble des nombres pairs, l'ensemble des nombres impairs, l'infini fois l'infini, arriver à rentrer dans cet hôtel de Hilbert où on arrivait à associer un podcast à tous ces numéros. Alors, une question qui s'est posée du coup, c'est est-ce que tous les infinis sont les mêmes? Parce que jusqu'à là, c'est des résultats qu'on avait un peu sous forme de paradoxe, que Cantor a réussi un peu à formaliser, mais qui n'était pas très étonnant parce que bon, bah, tous les infinis étaient les mêmes, c'est assez rassurant, c'est l'infini avec un grand i. Et donc arrive une question de savoir est-ce qu'on peut faire des infinis plus grands? Alors dans mon teasing de la semaine dernière, j'avais promis que je répondrais à une question, arrive ce moment fatidique, c'est-à-dire j'avais promis de répondre à la question, est-ce qu'avec une infinité d'épisodes de podcast science, on pourrait parler de tous les sujets? Alors ben, on va se poser justement la question de savoir si cet infini-là, l'ensemble de tous les sujets possibles, peut rentrer dans cet infini qui est l'ensemble de tous les épisodes de podcast science. Donc l'ensemble des épisodes de podcast science, c'est un infini dénombrable. On peut choisir l'épisode numéro 1, l'épisode numéro 2, l'épisode numéro 3. Et on a en face un infini qui est un peu plus étrange, alors qu'on va essayer de définir un peu mathématiquement. Vu qu'on suppose que c'est dans un temps infini, etc., on va supposer que c'est des sujets qui sont de taille infinie, tant qu'à y être, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une durée infinie, et surtout qu'ils sont dans des langues qu'on ne connaît pas encore. C'est-à-dire que ça peut être n'importe quelle suite de lettres, n'importe quelle suite de phrases, n'importe quelle suite de lettres pour former des phrases. Donc on a à chaque fois, pour chaque caractère, 26 possibilités, et on peut les mettre dans n'importe quel ordre, parce que ça pourra faire une langue peut-être extraterrestre du futur. Ouais. Donc là, pour démontrer, pour savoir si c'est possible ou non, je ne sais pas exactement quelle a été ce qui s'est passé dans la tête de Cantor. C'est sans doute pas évident de savoir ce qui s'est passé exactement dans sa tête, mais il a utilisé une méthode qu'on utilise souvent en mathématiques quand on est un peu perdu et qu'on ne sait pas exactement comment faire. Il a raisonné par l'absurde. C'est-à-dire, il s'est dit, bon, bah, je vais supposer que c'est possible, c'est-à-dire qu'on peut, avec une infinité d'épisodes, parler de tous les sujets, si ça pose problème ou si ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne. Donc il s'est dit, soit, je vais faire une liste de phrases. Donc je vais supposer que j'arrive avec une infinité de podcasts à placer toutes les phrases. Donc le podcast numéro 1, je commencerai par Bienvenue dans ce podcast, etc. Le podcast numéro 2, je commencerai par Aujourd'hui nous parlerons des. Le podcast numéro 3, dans le podcast de cette semaine. Alors il se trouve que les premières phrases sont en français, mais c'est pas obligatoire. On pourrait mettre n'importe quelle phrase. Dans le podcast numéro 4, cette semaine dans Podcast Science, etc. Et comme ça, on a une infinité de phrases qui correspondent aux infinités d'épisodes de Podcast Science. Et là, il s'est dit, je vais fabriquer une phrase en prenant le premier caractère de la première phrase. Donc ici, c'était bienvenue dans ce podcast, donc c'est un B. Le deuxième caractère de la deuxième phrase, qui est un U. Le troisième caractère de la troisième phrase, qui est un N. Et le quatrième caractère de la quatrième phrase, qui est un E. Et ainsi de suite. Et il forme comme ça une phrase qui, cette fois-ci, n'est plus en français, enfin, qui veut rien dire en tout cas, a priori. C'est B, U, N. Là, ça se prononce quand même, ça fait bune, etc. Et on peut continuer. Et on a une phrase qui est constituée de caractères, d'une infinité de caractères, mais ça, on a dit que ça posait pas de problème au début, c'est une des hypothèses, et surtout qui, a priori, est dans ma liste de phrases. Il doit y avoir un épisode où on prononce cette phrase qui correspond donc à chaque lettre prise en diagonale. Attends, mais donc ça veut dire, j'ai pas, j'ai peut-être oublié, tu l'as peut-être déjà dit, mais ça veut dire que chaque épisode fait une infinité, une taille infinie. Voilà, fait une taille infinie. Mais alors, c'est quoi les phrases dedans? C'est aléatoire? Alors, les phrases, alors, c'est pas aléatoire, c'est les podcasts, mais oui, on va imaginer que c'est toutes les phrases possibles et imaginables. Et en fait, D'accord. toutes les Dans phrases chaque possibles et podcast. imaginables, en fait, c'est tous les ensembles de caractères possibles. Il y a D'accord. une, c'est-à-dire qu'on suppose que c'est n'importe quelle langue, donc c'est, on prend des, tu peux imaginer qu'on prend des lettres au hasard. Sauf qu'on a supposé qu'on arrivait à les numéroter. Donc, comme on a supposé qu'on arrivait à les numéroter, peut-être qu'on arrivait à les numéroter que dans un sens. Alors, bon, on les a mis. Podcast numéro 1, il y a une phrase, mais qui pourrait en effet être quelconque. Ouais? D'accord, ouais, Ça je va comprends. jusque-là? Mais juste un truc, c'est que en fait la seule différence du coup entre les podcasts, c'est l'ordre des lettres, quoi. Logiquement. C'est ça, en Ok, gros. d'accord. Non, c'est pas l'ordre des lettres. Parce que tu peux avoir. Il y a un podcast qui va contenir que la lettre A, par exemple. Et Oui, avec d'accord. cette phrase-là, tu pourras pas reconstituer la Ah phrase. oui. Voilà. D'accord, ok, d'accord. D'accord? Alors par contre, il construit lui une phrase en prenant la diagonale, si vous visualisez un peu dans votre tête, c'est-à-dire qu'il prend le premier caractère de la première phrase, le deuxième de la deuxième, le troisième de la troisième, le quatrième de la quatrième, etc. Et il forme une nouvelle phrase. Et à partir de cette phrase, il dit, je vais former encore une nouvelle phrase qui consiste à prendre la lettre suivante de chaque lettre de ma phrase. C'est-à-dire qu'ici, j'avais une phrase qui commençait par BUNE. Et je vais, ça va faire, là, pour B, ça va faire C, pour U, ça va faire V, pour N, ça va faire O, et pour E, ça va faire F. Donc ça fait une nouvelle phrase. On est d'accord sur la phrase qu'il a Mais alors ça c'est construite? des nouveaux épisodes? Ok, ouais. Oui, ça c'est des nouveaux Voilà, épisodes, c'est des c'est-à-dire... nouveaux. Alors non, c'est pas un nou... c'est une phrase qu'il fabrique. Donc là, ce qui se pose comme question, c'est justement, il a fabriqué une phrase infinie, constituée de Ouais. caractères, donc qui est bien dans notre ensemble de toutes les phrases possibles. Et la question qui se pose, c'est est-ce que cette phrase peut être dans un des épisodes? Ouais. Et alors, vu qu'on a choisi le premier caractère comme étant différent du premier caractère, parce qu'on avait pris le même et on a pris le caractère suivant dans l'alphabet, ouais. Ouais. Le deuxième caractère, pareil, c'est pas dans le deuxième podcast parce qu'on a pris un deuxième caractère différent, pas dans le troisième podcast parce qu'on a pris un caractère différent, et ainsi de suite. Et en fait, c'est dans aucun des podcasts. Et D'accord? la question de départ, c'était quoi déjà? Alors, Je la suis question perdu en était de route. savoir, c'est normal, la question était de savoir. Est-ce que, avec une infinité de podcasts, on peut réussir à avoir toutes les phrases qui sont dans au moins un podcast? C'est-à-dire, si on prend une phrase au hasard, elle sera au moins représentée par un podcast. D'accord. Ouais. Et donc là, on a construit une phrase qui n'est dans aucun des épisodes. C'est-à-dire, elle n'est pas dans l'épisode 1 parce que la première lettre ne correspond pas. Elle n'est pas dans l'épisode 2 parce que la deuxième lettre ne correspond pas. Elle n'est pas dans l'épisode 3 parce que la troisième lettre ne correspond pas, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'elle revient pas plus tard dans les épisodes Ben comme ça, parce justement, que... parce que si on compare chaque lettre Ouais. permet de dire qu'elle n'est pas dans un des épisodes. Ouais, Parce qu'elle d'accord, a ok. au moins une lettre différente avec chaque épisode. Mais par exemple, le premier épisode où on me dit bonjour, machin, machin, Ouais? après ça va être quoi la phrase, la suite de la phrase? Ah ben ça peut être n'importe quoi, je sais pas. Et pourquoi est-ce que ça tomberait pas par hasard sur justement... Ah oui, non, Alors, ok. non, parce que là, on parle vraiment de la phrase du début à la fin. Il faut que ce soit D'accord, exactement la d'accord. même. Ok, je D'accord? comprends. D'accord. Et donc, elle est dans aucun des podcasts. Alors là, c'est assez intéressant parce que la seule hypothèse qu'on a fait au départ, c'était justement le côté absurde, c'était, on a fait comme seule hypothèse qu'on arrivait à donner un numéro à chaque phrase possible. D'accord? Et pourtant, si on le fait, ben on voit qu'on tombe sur quelque chose, sur une contradiction, vu qu'on a trouvé une phrase qui n'était pas dans tous les numéros. Qui n'était pas dans tout. On a supposé Dans qu'on les pouvait épisodes numéroter existants. toutes les phrases possibles, et voilà, on a trouvé une phrase qui n'était pas dans les épisodes existants, qui n'était pas dans cette numérotation. Donc là, ça pose un problème, et surtout, ça démontre que l'ensemble de toutes les phrases possibles est un ensemble qui est plus grand que l'ensemble de tous les podcasts, l'ensemble dénombrable de tous les podcasts. D'accord? Non, moi je suis pas d'accord. Alors, dis-moi. Parce que tout à l'heure on a dit que l'infini plus 1, parce que là on a Ouais. montré qu'en fait si on rajoutait une phrase à une infinité de phrases finalement, une phrase qui n'existait pas, donc une nouvelle phrase, et ben c'était plus grand, parce que là tu dis qu'on peut faire Ah plus non. grand. Ouais. On a fait beaucoup plus fort que ça. C'est-à-dire qu'on a supposé que toutes les phrases possibles étaient au moins dans un podcast. C'est-à-dire qu'on a juste mis des numéros devant chaque phrase. Ouais. D'accord? Donc on avait la phrase numéro 1 qui est bienvenue machin, mais ça pourrait être n'importe quoi, la phrase numéro 2. Et en Ouais. théorie, ce qu'on a supposé au départ, c'est que toutes les phrases possibles avaient un numéro de podcast. Ouais. D'accord? Et là, on a Ouais. réussi à en construire une qui n'était pas dans cette liste. Alors qu'on Ouais. avait supposé que c'était qu'elles y étaient toutes. Ah ouais. D'accord? Ça, c'est fort. Et donc, ce Ça, qui est c'est très fort, fort. justement, Ouais. c'est qu'on a réussi à contredire, en fait, notre hypothèse de départ. Et donc, comme on a réussi à la contredire, ça veut dire qu'il y a une contradiction. Et comme c'est la seule Ouais, hypothèse qu'on mais... avait faite, c'est celle-là, la contradiction. C'est une Ouais, hypothèse ouais. qui était fausse. D'accord. D'accord? Voilà, j'ai officiellement besoin d'aspirine. Bon, c'est un des résultats les plus ça va être un des résultats les plus durs là de ce podcast, même le résultat le plus dur, mais qui est très intéressant parce que là on a deux tailles d'infini différentes. On a l'infini de toutes les phrases possibles et l'infini du nombre de podcasts qui ne sont pas les mêmes. On a un infini dénombrable et on a un infini indénombrable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le numéroter. D'accord? Ouais, Ouais, d'accord. J'ai D'accord, je perdu tout crois le avoir monde. compris, oui. Je pense avoir compris. Alors, Mais c'est Donc dur à j'avoue accéder, d'ailleurs hein. que c'est Ah voilà, le alors problème que c'est j'avais tout très à l'heure avec intéressant ce que. l'hôtel. De quoi? Cette Attends, notion Alan, on de. t'a pas bien entendu, je crois. Ah pardon, ok, Ouais. excusez-moi. Je disais, je crois que c'est le problème que j'avais tout à l'heure avec l'hôtel. C'est finalement une notion de. C'est cette notion de dénombrable ou d'indénombrable. J'arrive à imaginer que toutes les chambres qui ont un occupant, on arrive à les numéroter, mais toutes celles dont on ne sait pas si elles ont un occupant, enfin celles d'après, quoi. Et c'est quoi celle J'ai d'après? l'impression qu'on arrive à numéroter jusqu'à un certain point, et puis qu'à un moment donné, on peut plus finalement. Enfin, j'ai de la peine avec cette frontière entre dénombrable et indénombrable. Alors, une autre façon, un autre exemple de dénombrable et indénombrable qui peut peut-être t'aider à voir cette frontière, c'est que le dénombrable, donc c'est l'infini, c'est par exemple si on va vers des sciences plus expérimentales, le nombre d'électrons autour d'un atome, c'est un nombre, c'est-à-dire c'est un entier. D'accord? Et en opposition de ça, on a le temps. Ou le temps, alors on a eu des discussions philosophiques avec Franck, je ne pourrais pas étayer là-dessus parce que je ne connais pas exactement, mais le temps, la notion qu'on en a, c'est qu'on peut toujours diviser par deux le temps. On a une seconde, on peut prendre une demi-seconde, on peut prendre un quart de seconde, exactement comme dans le paradoxe de Zénon, c'est-à-dire de toujours diviser par deux, de manière continue. Et donc la différence entre dénombrable et indénombrable, c'est la différence entre le discret et le continu. Le discret et le continu. Entre la droite et un Et ensemble de points pointillé. alignés. Et des pointillés. D'accord. C'est-à-dire que Ouais, dans une faudrait peut-être droite. expliquer ça, le différence entre discret et continu, parce que je pense que c'est des notions de maths et Alors, c'est des notions de maths. Justement, là, ça vaut pas le coup d'aller dans les détails là-dessus. Hein, mais Bah si, justement, pour moi, c'est vraiment la base de la différence entre nombrable et indénombrable. Non? Parce que une droite, tu peux pas compter combien il y a de points dans la droite. Ben si, enfin, tu peux T'es pas compter. d'accord? Non, tu peux pas compter au sens où on était au départ, mais tu peux montrer qu'il y a plus de points droite. Que dans une Oui, mais suite attends, de mais là c'est pointillés juste pour infinis. parler d'une. Ouais, c'est juste pour parler de la notion de discret et continu. On est d'accord qu'une droite c'est continu. Oui. Ouais, mais le problème de la Donc. droite, c'est que tu connais pas la taille du point aussi. Bah justement, le point il est ponctuel, enfin il n'a Alors, pas de taille. le point en mathématiques a pas de taille. Hein. C'est aussi Voilà, un mais autre non, mais problème. c'est ça le problème aussi. Voilà, ça fait chier. Ben. Non, alors pour tout te dire, le continu, c'est un problème à part entière, hein, dont on pourrait parler dans un podcast complet, mais c'est vraiment cette idée que on peut prendre n'importe quel instant. On peut prendre l'instant une seconde et juste un milliardième de seconde, etc. Alors qu'en électron, on ne peut pas s'amuser à prendre 1,5 électron. Ça veut rien dire. Ça correspond à rien, ouais. Voilà. On a une notion où on est continu au sens où on va pouvoir prendre n'importe quelle sur une droite, en l'occurrence dans le temps. Alors, on pourrait discuter des limites de ça, hein, mais en tout cas, théoriquement, on pourrait prendre n'importe quel moment. Et on a un ensemble discret où on peut prendre que les. On peut les numéroter, on peut dire voilà le premier élément, le deuxième élément, etc. OK. Ouais. Alors, en tout cas, voilà, on a deux ensembles, le continu, le discret, on a le dénombrable et l'indénombrable, qui sont de tailles différentes, et il y en a un qui est plus grand que l'autre. Alors ça, c'était une révolution importante, et pour revenir sur ce que disait Franck avant cette discussion, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué à démontrer. Alors, à l'oral, c'était pas évident, mais à l'écrit, vous comprendrez encore mieux. Mais par contre, qui est très dur à accepter. C'est-à-dire qu'en effet, ça pose des problèmes, c'est un peu ce que relevait Alan, et pour vous rassurer, Cantor, sur un résultat similaire, avait envoyé une lettre à un de ses collègues en disant « Je le vois, mais je ne le crois pas. » C'est-à-dire, bon, ben, il avait réussi à le démontrer, mais il n'arrivait pas encore à accepter que c'était un bon résultat. D'accord? Ouais. Il me devient de plus en plus sympathique, ce Cantor. Alors c'est quelqu'un de très sympathique. Hein, il a d'autres résultats encore plus farfelus. Il s'est pas mal amusé et puis il est devenu fou à la fin de sa vie. Donc c'est un côté romancé sympathique, quoi. Bah ça se comprend, hein, travailler sur Ah l'infini toute ouais, sa mais vie. C'est ça. Et d'autant plus qu'il s'est pas arrêté là. Alors là, je vais pas aller dans les détails du coup, parce que je pense que les cerveaux ont déjà chauffé. Dans le dossier, il y a quelques détails là-dessus. Mais il a réussi à démontrer que non seulement il y avait des infinis de plus en plus grands, comme on vient de voir là, mais qu'il y en avait une infinité. C'est-à-dire qu'à partir d'un ensemble infini, on pouvait en construire un plus grand. D'accord? Ouais, Donc on bah il y a avait une de quoi devenir infinité fou. d'infinis. Alors, je vais donc pas aller dans les détails là parce que c'est plus technique à démontrer. Il y a les détails dans le dossier pour ceux que ça intéresse. Mais à partir de là, c'est que non seulement on avait plusieurs infinis, mais on en avait une infinité. Et donc en particulier, et là, c'était le dernier coup pour tous les mathématiciens de l'époque, l'ensemble le plus grand, l'infini le plus grand possible, bah, ça n'existe pas. Parce qu'à partir d'un ensemble très grand, on peut en construire un grand. Il a vraiment donné une méthode de construction d'ensemble de plus en plus grand. D'accord? Donc Ok. l'infini, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà, l'infini, quand il n'y en a plus, il y en a encore, et on peut toujours construire des ensembles de plus en plus grands. Ça pose aucun problème. Alors, là-dessus, et ça peut peut-être aider à accepter, il y a quelque chose de très important. Il ne faut pas confondre deux choses, c'est-à-dire le fait d'avoir autant d'éléments, ou d'en avoir plus, et le fait d'être inclus l'un dans l'autre. C'est-à-dire qu'il Ouais. y a un ensemble qui soit l'un dans l'autre. Typiquement, on a vu tout à l'heure que les nombres pairs sont inclus dans tous les nombres, mais pourtant ils ont autant d'éléments. Voilà, c'est juste pour revenir sur ces histoires un peu paradoxales liées à l'infini. Donc un infini peut en contenir un autre. Oui, voilà. Même s'ils ont autant d'éléments. D'accord, l'aspirine commence à faire C'est effet. ça. Bon, et alors, histoire de finir justement sur la vie de Cantor un peu. Montrer qu'on avait deux infinis, le continu, au moins deux infinis, le dénombrable et l'indénombrable, le continu et le discret. Et Cantor s'est posé, vers la fin de sa vie, une question de savoir, est-ce qu'on a un infini qui est entre le discret et le continu, entre le dénombrable et l'indénombrable, c'est-à-dire entre les entiers et les réels, entre la droite et les pointillés. Alors, il n'a pas réussi à répondre à cette question. C'était une question qui l'a longtemps tracassé, il n'a pas réussi à s'y répondre, et plusieurs années après sa mort, on a eu la réponse, et la réponse était que c'était une question indécidable. Donc là, je pense que Alan, ça a fini de te convaincre que Cantor était un type bien. Ouais, Parce que pour Cantor, il me fait un peu mal au cœur quand même. une question sur laquelle il avait passé plusieurs années de sa vie était une question indécidable. Alors là, j'imagine que vous vous demandez ce que c'est qu'une question indécidable, parce qu'on est censé être dans une science exacte, théoriquement en tout cas, et une question indécidable, c'est un peu C'est une étrange. réponse d'agnostic, ça. Alors non, c'est justement pas une réponse d'agnostic. C'est une question qui est ni vraie ni fausse dans une théorie. En fait, une autre façon de parler d'indécidabilité, c'est de dire qu'elle est indépendante d'une théorie. D'ailleurs, dans une théorie, on fait plusieurs hypothèses. Bah, cette question-là, elle est indépendante de la théorie. On ne peut ni dire qu'elle est vraie, ni dire qu'elle est faux avec les hypothèses de cette théorie. D'accord? Alors, on va D'accord. peut-être prendre un exemple de théorie comme ça, parce qu'en plus, c'est un exemple qui m'a été donné en tout début là, de dossier. Attends, moi, ça veut dire qu'on ne peut pas le dire parce qu'on sait pas ou parce qu'on peut Ah non, démontrer qu'on peut pas le dire? parce que les deux sont acceptables dans cette théorie. C'est-à-dire qu'avec D'accord. toutes les hypothèses de la théorie, on peut aussi bien avoir, ça peut aussi bien être vrai que faux. D'accord. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire un choix. C'est la Alors, physique un des quantique, ça. exemples justement, non, non, c'est pas le même choix que la physique quantique. Non, Un d'accord. exemple là-dessus, c'est la géométrie euclidienne, où dans son livre, que vous pouvez, il y a une édition très sympa que vous pouvez consulter de ta chaîne, du livre Tout est en couleur, il n'y a quasiment pas de lettres, donc ça c'est des mathématiques qui font un peu moins peur, où ça présente les éléments d'Euclide, donc avec tous les axiomes de base de la géométrie d'Euclide. Alors les axiomes, c'est des choses très très simples, hein. C'est par exemple tous les angles droits sont égaux, ou entre deux points on peut toujours tracer un segment. Donc ce sont des axiomes, on ne cherche pas à démontrer, c'est les hypothèses de départ que l'on a. Est-ce qu'il y a la guerre, c'est mal dans les axiomes? Non, il n'y a pas la guerre, c'est mal, parce que là, le but, c'est de faire de la géométrie. Et donc, c'est juste une hypothèse de départ, et en tout cas, c'est ça qui lui permet justement de démontrer le théorème de Pythagore. Et le 12e axiome d'Euclide est un axiome qui paraît beaucoup plus compliqué que les autres, parce que c'est un axiome qui dit, par un point extérieur à une droite, on ne peut tracer qu'une seule droite parallèle. Et alors, beaucoup de gens se sont dit, c'est trop compliqué pour être un axiome, je vais réussir à le démontrer avec les 11 précédents axiomes, avec les 11 précédentes hypothèses. Et il se Attends, trouve que tu peux juste répéter l'axiome? Ouais, par un point extérieur à une droite, on ne peut tracer qu'une seule droite parallèle. C'est-à-dire que si on dessine une Donc droite, j'ai on une dessine un droite, point j'ai un qui est trait, droite, ok, voilà, j'ai j'ai un mon trait, point j'ai quelque un point part. qui est extérieur à la droite, et on peut tracer qu'une seule droite parallèle. D'accord. Ça paraît rationnel, hein. Dans une géométrie à deux dimensions. Dans une géométrie. Alors, Avec les 11 autres axiomes, parce qu'on est toujours avec des hypothèses de départ. On n'a pas dit qu'on était à deux dimensions, on a juste dit qu'on avait des hypothèses. Mais bon, D'accord. on peut dire dans une géométrie à deux dimensions. Et justement, des gens se sont dit, c'est beaucoup trop compliqué comme axiome, je vais pouvoir le démontrer avec les autres hypothèses d'Euclide. Et personne n'a réussi, et il se trouve que c'est Parce que aussi une question indécidable. Ouais. qu'en fait, un axiome, c'est quelque chose qui peut pas se démontrer, c'est ça? C'est une hypothèse qu'on fait au départ. Alors, quand on commence à poser des axiomes, on peut des fois se planter et il se trouve que c'est démontrable, mais en général, on essaie de faire des choses qui sont indémontrables. Ah oui, donc c'est pas obligatoirement indémontrable. D'accord. Bah, si on se plante, c'est pas indémontrable, mais on essaie de faire que ce soit démontrable, que ce Donc soit alors par indémontrable. définition, ça doit être indémontrable, si on Voilà, s'est pas c'est un peu planté. l'idée, c'est que ça doit être indépendant des autres axiomes de la théorie. Oui. D'accord, Sinon, ok. ça sert à rien. S'il était démontrable, on n'aurait pas besoin de le supposer. D'accord. Ouais. Ouais, Alors, ok. cet exemple-là de la géométrie d'Euclide, on a 11 axiomes et il se trouve qu'on peut prendre juste les 11 premiers, donc sans prendre l'histoire des droites parallèles. Et en gardant ces 11 premiers, on peut construire deux géométries, une qui est la géométrie euclidienne, qui est celle qui utilise cet axiome, et une autre qui est une géométrie non euclidienne. Alors, je ne sais plus laquelle, le nom exact, je ne l'ai pas sous la main, mais qui, au lieu de dire par un point extérieur à une droite, on ne peut tracer qu'une droite parallèle, dit par un point extérieur à une droite, on ne peut tracer aucune droite parallèle. Donc là, normalement, ça doit perturber plusieurs personnes. Par un point extérieur à une droite, donc c'est la même situation Voilà, qu'avant. On exactement la même peut. situation, on ne peut tracer aucune droite parallèle. D'accord. Et puis ça, on peut pas démontrer que c'est faux non plus. Alors voilà, alors il se trouve qu'on a un exemple où c'est aussi vrai et où tout se passe bien et qu'on utilise régulièrement, c'est l'exemple de la Terre, d'une sphère sur laquelle on peut se balader. Alors sur la Terre, les droites, oui. On a J'ai vu la. quelqu'un parler. Ouais. Ouais, en fait, Bernard Hofpc, enfin je pense que c'est comme ça que Ouais. ça, on dit son truc, dit que c'est la géométrie sphérique. Ah, c'est la géométrie sphérique, Et tout à sinon, fait. il dit aussi qu'on peut supposer un axiome pour pas s'embêter à démontrer quelque chose, quoi. Enfin, on démontre pas l'axiome, quoi. C'est bien, ouais. Je Alors. vais lancer des axiomes comme ça à tout va. Il y en a qui ont essayé, hein, mais après ça peut poser des problèmes. Ah, on On peut peut eu des pas mince. problèmes. C'est ça. Ouais. Alors sur une sphère, Dommage. les droites, c'est ce qu'on appelle les grands cercles. C'est-à-dire, en gros, c'est les cercles qui ont le diamètre qui correspond au diamètre de la sphère. Donc c'est vraiment les plus grands cercles qu'on peut faire sur la sphère. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle des droites. Alors, pourquoi on appelle ça des droites? Parce qu'entre deux points de la sphère, le chemin le plus court entre ces deux points, ça passe par une de ces droites. Donc c'est ce qu'utilisent par exemple les bateaux si jamais ils avaient passé par ces chemins-là pour aller le plus rapidement d'un point A à un point B. Ah Ça mais va justement c'est jusque-là? fou. Ok. Ouais. Les avions Pourquoi aussi. Les méridiens quoi. Non mais Voilà. c'est pour l'exemple du bateau quoi. Ouais, alors Parce sur que pour l'exemple l'exemple du du bateau, bateau justement tu tires des bords. oui voilà c'est ça. Donc, Mais mais c'est ouais d'accord. en tout cas c'est le Mathématiquement chemin je comprends. le plus court à vol d'oiseau entre guillemets. Ouais non c'est pareil les oiseaux aussi ils servent du vent. Mais Bref, désolé. les C'est avions c'est l'expression. mieux. Les avions. Et Ouais non c'est donc ça pareil c'est hein. ce qu'on appelle une droite. Et la définition que donne Euclide de droite parallèle, c'est des droites qui ont aucune intersection ou qui sont confondues. Donc on va oublier le cas confondu parce que c'est pas le plus intéressant. Ça veut dire que c'est les mêmes droites. Mais si elles ont aucune intersection, donc une droite parallèle dans le cas de la sphère, il n'y a aucune droite qui sont parallèles parce que deux droites ont forcément deux intersections entre guillemets au pôle ou au pôle général. C'est-à-dire que si vous imaginez sur votre sphère, vous essayez de tracer deux cercles, il y aura forcément deux intersections, des très grands cercles. C'est les plus grands cercles de la sphère. D'accord? Donc là, on a une géométrie où si on prend un point d'extérieur à une droite, ben on n'a aucune droite parallèle. Et pourtant, elle respecte les 11 premiers axiomes de la géométrie d'Euclide. Donc, on a deux exemples où on a D'accord, gardé mais les mêmes hypothèses et il y en a une fois où c'est vrai, une fois où elle est fausse. alors en fait, excuse-moi, mais juste si le fait qu'on se place sur une sphère, est-ce que ça ne n'invalide pas les axiomes, les autres axiomes Justement, non. de... C'est ça qui est Non? intéressant, c'est que ça n'invalide pas ces axiomes-là. Par contre, ça invalide D'accord. le 12e. D'accord, donc on a C'est pour 11 ça qu'on est en. axiomes. Ok, ouais. Voilà. Qui Ok. reste totalement vrai. Donc, les axiomes du type tous les angles droits sont égaux, ça reste vrai. C'est plus forcément des angles droits au même sens qu'on les entend, mais ça reste vrai. On peut toujours tracer entre deux points un segment, ça reste toujours vrai. Alors, c'est les définitions un peu qui changent au niveau segment, droite, etc. Mais Oui. les hypothèses restent vraies. D'ailleurs, oui, les définitions de tous ces mots, par exemple la droite, tu dis c'est Elles sont données qu'est-ce que ça aussi. donne comme définition? Alors, Axiome, je ne l'ai d'accord, ouais. pas donné moi, mais elles sont données au départ. Il faudrait que je retrouve ça dans le bouquin. Je pourrais vous le D'accord. retrouver en Donc c'est une sorte de commentaire. package. Ah oui, c'est ça. Il y a C'est un tout package donné. mathématique de base, ok? D'accord. C'est ça. Et donc là, c'était juste pour finir sur cette histoire de indécidabilité. Donc c'est ce qui est arrivé à Cantor. C'est une question où on peut ni dire si elle est vraie ou fausse dans cette théorie. Elle est indépendante. Et donc il a passé 10 ans de sa vie, je crois, à essayer de démontrer une question à laquelle on ne pouvait pas répondre. Oh vieux. Je crois qu'Hélène C'est pour ça qu'il est devenu fou d'ailleurs, hein. Ouais, c'est entre... Alors c'est pas que pour ça, c'est parce que aussi au bout d'un moment il s'est cru un rôle de messie divin pour apporter sa théorie aux hommes. Enfin, il s'est mis à la théologie au bout d'un moment comme personne ne voulait accepter sa théorie. Ça a été un vrai tremblement de terre mathématique. Bon, ben, il s'est rapproché de l'Église qui elle acceptait mieux sa théorie parce qu'il acceptait de dire qu'il y avait quand même deux infinis très différents, l'infini des mathématiques et l'infini de Dieu qui était au-dessus de tous les autres. Donc ça Forcément. reste assez obscur. Hein. C'est fou ça, comme tous les génies, ils partent un peu en vrille à la fin. Alors surtout que au niveau génie, lui, il a quand même apporté beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, ses travaux, ça a été de la base de ce qu'on appelle la théorie des ensembles, qui sont les axiomes de base justement, le package comme tu disais tout à l'heure, sur lequel repose une grosse partie des mathématiques. Et qui, grâce à lui, alors c'est pas lui qui les a définis, parce que lui, il avait des définitions assez floues, un peu des objets qu'il utilisait, mais c'est lui qui a permis d'aller vers ce type de construction. D'accord. Donc il a vraiment eu un apport immense aux mathématiques. Quand tu dis qu'on s'en sert de la théorie des ensembles, qu'on s'en sert tous les jours, on s'en sert énormément en informatique, notamment tout ce qui est base de données est basé sur cette forme-là de mathématiques. Si vous pouvez aller Tout à sur fait. Facebook ou sur Twitter, c'est grâce à Cantor. Et même plus généralement, en fait, il y a beaucoup de ré... parce que il se trouve que Cantor a mis en exergue un paradoxe. Alors, je ne vais pas revenir sur ce paradoxe maintenant parce qu'il est un peu compliqué, mais il a mis en exergue un paradoxe qui du coup faisait tomber un peu en lambeaux toute cette part des mathématiques. Et pour réparer entre guillemets ce paradoxe, il a fallu vraiment reconstruire les fondements. Et c'est par cette théorie des ensembles qu'on a pu reconstruire les fondements. Ouais, Ok. d'accord. Ok. Oui, alors je fais remarquer parce que je vois un commentaire de Robin. Il y a aussi oui, une autre géométrie encore avec cet axiome, c'est la géométrie hyperbolique, tout à fait. Donc où là, par un point extérieur à une droite, il passe une infinité de droites parallèles. Donc tout ça pour dire qu'on peut faire d'autres axiomes et ça pose pas de problème, du moins en mathématiques. Mais pourquoi il parle de chips? Pour la forme. Pour la forme, Moins hyperbolique, quoi. c'est ça. Ok. Donc voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur l'infini. Donc on a quand même vu donc il y a une infinité d'infini et que Cantor a fini sa vie sur une question indécidable, hélas. Ouais, pauvre bête. Oui, mais il me fait un petit peu mal au cœur, ce Cantor, quand même. Passer 10 ans à se torturer avec cette question-là. Alors que j'ai l'impression qu'on a juste oublié de donner un contexte, non, dans le 12e axiome. En fait, dans une géométrie plane, il fonctionne. Dans une géométrie à 3 dimensions, il Ouais, fonctionne mais plus. alors là, tu rentres dans un domaine, dans les mathématiques, je crois que c'est Flaubert qui disait qu'il avait trouvé dans les mathématiques l'amour des définitions. Tu es obligé de tout définir. Donc si tu dis c'est dans la géométrie plane, moi je veux bien, mais il faut que tu me définisses géométrie et plane. Et D'accord, donc géométrie, je du vais être coup, mal barré, mais plane, je si pense tu veux, dans les éléments à de Clyde, le début c'est vraiment ça, c'est de dire j'appelle point ceci, j'appelle droite ceci, j'appelle segment ceci. Et ensuite il dit bon bah à partir de tous ces mots je vais construire des agencements de mots qui sont mes hypothèses, c'est-à-dire par deux par un point extérieur à une droite, etc. Donc le contexte du coup est plutôt découle ou peut être une conséquence, pas dans la géométrie euclidienne, parce que en fait la géométrie euclidienne fonctionne hors du plan, ça fonctionne aussi dans le volume, etc. De ces hypothèses, mais on est obligé de tout définir. Ok. Ouais. Est-ce qu'on est sûr que ça existe physiquement l'infini? Enfin, je t'en avais peut-être parlé un peu Ouais. avant, mais. Alors l'exemple, ouais. Alors moi, je vais avoir. Est-ce que ça existe? Disons que ça existe déjà dans l'esprit a priori des hommes, ce qui est déjà un bon départ. Bah Et ouais, mais même après, pas. Alors moi, bah, personnellement, j'y crois pas, hein. Soyons clairs. Alors il y a des négationnistes de l'infini. Hein. On en a, il y en Voilà. a, il y en a plusieurs. Non, mais Mais sérieux, Marco, t'y crois pas? Non, je pense qu'il n'y a rien qui est infini, hein. Ouais, voilà, moi Physiquement. Hein. je suis d'accord avec toi, hein. Voilà, je pense que les maths, bon, on a inventé un concept d'infini, quoi, un concept mathématique, mais c'est une vue de l'esprit. Mais physiquement, je vois pas ce qui est infini, quoi. Disons qu'en dans les commentaires de entre guillemets négationnistes que j'avais vus, les plus intéressants que je voyais, c'est que dans la physique ou dans toutes les sciences expérimentales, il y a la notion de mesure qui pourra jamais être aussi précise que l'on veut. Et donc, en effet, même si le monde qui nous entoure serait infini, ce qui devient plutôt une vue de l'esprit, on pourra jamais le mesurer. Donc, ça rejoint un peu ce que tu disais. Par Mais alors, contre, qu'est-ce qui quand on infinit a, la taille? Alors, tu dis le monde qui ou nous entoure est alors, infini, mais quoi, la non, ou taille? alors, regarde racine de 2. Racine de 2, c'est pour Mais écrire oui, mais racine de 2, exactement ça n'existe racine de 2. pas. Racine de Ben 2, ça si, c'est la n'existe pas. diagonale d'un carré. Oui, mais d'accord, mais je veux dire que je le mesure en chips. Je pose trois chips, je les mesure. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est une Non, parce que, création. alors déjà, si tu fais un carré qui fait un côté de racine de d'une chips, sa diagonale, ça fera racine de 2 chips. Mais non, mais je mets C'est-à-dire un que tu concombre. pourras. Et ça Oui, fera mais deux ce que je concombres. t'explique, c'est Tu vois ce que je que veux dire? c'est pas ça. C'est pas ça le problème, c'est que plus Ouais. tu auras un concombre précis, plus tu Ouais. t'approcheras de racine de 2 le nombre mathématique. Donc en fait, plus Ouais, tu t'approcheras de ce nombre infini. Donc là, il y a un exemple où certes la mesure n'est pas parfaite, donc on ne pourra jamais mesurer racine de 2, mais plus je... on sera précis, plus on se rapprochera de ce nombre-là. Ouais, je comprends. Mais oui, je comprends que mathématiquement ça existe, mais ce que je veux dire physiquement, la distance racine de 2, tu la vois, elle est... Enfin, même si bien Elle sûr, je sais que... existe. Bah, tu peux la mesurer que jusqu'à une certaine précision. Mais non, je peux la mesurer très précisément. Il suffit que je pose un objet qui fasse la même taille et j'ai une mesure précise de racine de 2. Tu vois ce que Oui, je veux mais dire? du coup, ouais, alors d'accord. Si t'as un objet qui fait la même taille, t'arriveras pas avec cet objet à avoir un objet qui fait la taille des côtés du carré, hein. Ça marche pas dans les deux sens. Bah si, je prends un autre objet qui fait la taille du... Enfin non, mais Oui, bon, mais ce sera deux c'est objets idiot. différents, en fait. Ça. Non mais Bon. oui, je vois très bien ce Bon, que tu veux alors, dire. si tu. En fait, on peut partir sur un autre exemple que racine de 2 plus compliqué, c'est pi. Ouais, Ou bah pi pi. justement c'est encore plus simple. Non, c'est plus compliqué Pi, parce que. c'est le périmètre du cercle. Oui, mais Voilà, c'est justement, 2 pour pi. mesurer. Pour. Pi, tu as. Comment dire? Tu as la notion de quadrature du cercle qui fait Ouais. que. En fait, si tu fais un cercle de diamètre. Alors, faut pas que je dise une bêtise, Jean. Si tu fais un cercle qui a une circonférence de 1. Donc quand on dit Oui. une circonférence de 1, c'est exactement comme quand tu dis je mets un concombre autour de mon cercle. Hein. Ça veut dire je prends une unité, c'est mon concombre. J'ai Ouais. un cercle qui a une circonférence de 1. Tu ne peux pas, avec un compas, une règle, donc avec des outils physiques, faire un segment qui a une longueur de 1. Oui, je Et ça a comprends. été démontré. Ouais. Ok. Ok, mais je peux le voir pourtant. Je peux avoir du mal à le recréer, mais il existe bien, quoi. Alors, il existe bien, oui, mais tu n'arriveras pas à le recréer, même Ouais. mathématiquement. C'est-à-dire, quand on dit compas, D'accord. pourquoi on dit cool? Parce que c'est des objets qu'on peut modéliser mathématiquement. Oui, Et une d'accord. autre. Non, mais je vois bien le problème, je comprends ta réponse. Ok. Donc, je pense en effet qu'il y a la notion de mesure qui fait qu'on n'arrivera jamais à mesurer l'infini, mais ça ne veut pas dire que derrière, on n'essaie pas de justement approximer quelque chose qui est infini. D'accord. Au moins pour l'infiniment petit. Pour l'infiniment grand, peut-être que je fais encore partie des négationnistes, à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais pour l'infiniment petit. Ouais, en tout cas, que ça existe ou pas dans le monde physique, conceptuellement, ça existe, quoi. On le voit dans les mathématiques. On n'a jamais Voilà, réussi à alors. trouver les dernières décimales de pi, ne serait-ce que ça. C'est ça. Et un autre exemple, c'est que ce type de théorie et ce type de résultats sont intéressants en eux-mêmes, en mathématiques ou en philosophie. Ça amène à réfléchir, à se poser des questions, à faire des raisonnements. Et donc, en tout cas, en mathématiques, ça peut suffire à soi-même. Il n'y a pas besoin d'avoir un exemple finique. C'est pour ça aussi que. Mais ouais, justement, c'est ça qui me dérange un peu, c'est que comme tu dis, Alan, le concept, bah, même moi, j'arrive pas à le conceptualiser, quoi. Pour moi, il n'existe pas. C'est-à-dire que l'infini, dans ma tête, ça bug, tu vois. Je comprends pas comment. Je C'est-à-dire, comprends pas comment. tu penses qu'on finira par trouver la dernière décimale de pi? Bah non, je suis d'accord avec toi, mais je sais pas. Je sais pas comment dire. Ouais, Ouais. c'est Bon, un tu sais, concept moi, bizarre, quoi. j'ai mon opinion sur la question. Je pense que l'évolution nous a câblés pour chasser le Ah mammouth. ouais. Ça, c'est peut-être ça aussi, ouais. Et qu'on n'a pas forcément. Enfin, notre cerveau n'est pas forcément le meilleur outil pour appréhender ce genre de truc, quoi. Chapeau aux mathématiciens qui font ça. Bon, il y en a qui deviennent fous quand même, manifestement, on l'a vu. Il y en a un certain nombre d'hommes. Ouais. Mais ouais, le commun des mortels n'ose même pas se lancer dans Bah ouais. l'aventure. Mais alors du coup, donc tu présupposes qu'il y a des idées qui dépassent l'homme, quoi. C'est-à-dire que on n'est pas fait pour appréhender les concepts, mais qu'ils y même, quoi. Ouais, qui dépasse l'homme, je sais pas, j'aime pas beaucoup comme comment ça sonne, mais je pense qu'on peut effectivement on peut peut-être de manière intuitive pas tout comprendre quoi. Il y a des choses qui sont totalement contre-intuitives pour un esprit humain. Ok. Bah, la Mais mécanique quantique au niveau de déjà, par l'infini, exemple. au niveau de l'infini, ça vous perturbe pas a priori de dire qu'il y a pas, il n'existe pas le plus grand entier. Il y aura toujours un entier plus grand que les autres. Ça m'avait pas Moi, ça me perturbé jusqu'à perturbe pas. aujourd'hui. Ça me perturbe pas parce que justement, je me dis, c'est une vue de l'esprit, quoi. C'est quelque chose de quelque part qui est abstrait, quoi. Physiquement, on pourra par exemple toujours compter le nombre d'atomes dans l'univers. On arrivera de toute façon à un nombre fini. Y a rien dans l'univers qu'on pourra dénombrer de façon infinie, quoi. Il y aura toujours une fin à tout ce qu'on dénombrera, quoi. Ouais, bon, après on a le problème de la mesure. C'est-à-dire qu'on... Ouais, mais alors la mesure, c'est pas. Après, ça dépend de l'échelle, enfin, comment dire, de l'unité que tu prends aussi pour la mesure. Ouais, Alors, on a des choses complexes parce je pensais que. en fait plutôt aux limitations des outils de mesure qu'on a, c'est-à-dire qu'on arrive jusqu'à un certain point et puis derrière on suppose que ça peut être l'infini ou pas, on n'en sait rien finalement parce qu'on a ces limitations optiques aujourd'hui. Peut-être qu'on les aura moins demain, j'en sais rien. Les amis, je vous propose qu'on en reste là pour le débat, parce qu'il nous reste un peu moins de 4 minutes d'émission, puis on a encore 2-3 petits trucs à dire. Elle n'est pas infinie l'émission là? Pardon? Elles sont pas encore infinies. De toute façon, ça servirait à rien, on pourrait pas parler de tout. Ouais, J'avais compris justement. qu'on faisait des émissions infinies. Non, j'ai mal compris en fait, je crois. On s'en approche en fait, on fait des émissions interminables. Les concepts sont assez similaires. Mais bon, maintenant qu'on sait qu'une infinité d'émissions ne servirait même pas à couvrir tous les sujets, je suis d'accord. C'est bien qu'elles aient une heure de fin, ces émissions. Donc aujourd'hui, Nico, je pense qu'on peut déjà annoncer que tu vas revenir tout bientôt. On annonce déjà le sujet ou on laisse la surprise? Ouais, je crois qu'on peut l'annoncer parce qu'il est cool le sujet. Donc peut-être que d'abord il faut une petite introduction culturelle. Le 14 mars, Ouais. si on l'écrit à l'américaine, ça nous donne le 3.14, c'est C'est ça? ça, qui est Ok. le début de l'écriture en base 10 de pi. Ouais, qui est le début de pi, on va C'est ça. dire. Pour les Non, nombres mais comme comme on va c'est avoir des énorme. pi, comme on va avoir des pi dans d'autres bases, C'est un et donc du coup, signe. et ça tombe à mercredi, voilà, un jour de podcast science, donc. C'est Ouais, énorme, c'est c'est un formidable. signe. Mais comment un bédouin du désert illettré aurait pu savoir qu'on aurait fait un sujet de pi le 14 mars? Et encore, on n'est pas en 3014. Ouais, alors là, ça va être la grande fête. Ouais, Et les le Américains, en fait, 14 mars le fait 3014, on va à. s'éclater. Les Américains le fêtent à 3h, en fait. Ah ouais, il faudrait qu'on fasse le 3h15, ouais. podcast à 3h14. Ouais. Bon, mais enfin, on va faire ça une autre fois. L'heure tourne, j'aimerais bien qu'on parle aussi du sujet de la semaine prochaine. Donc, Hélène va nous faire son pitch. Hélène, t'es prête? Oui. Ok, alors, quand tu veux. En septembre dernier, le parti pirate allemand obtient 15 sièges au Parlement de Berlin. En janvier, les Anonymous bloquent les sites des gouvernementaux suite à la fermeture de Mega Upload. Ces deux événements présentent deux modes d'action politique issus de la culture Internet. Mais qu'est-ce que la science sait de ces mouvements nés sur Internet et des valeurs qu'ils partagent? Et comment d'ailleurs est-il possible de les étudier? Pour cela, il nous faudra faire une plongée dans le monde fascinant des sciences sociales, ces disciplines qui n'ont pas que de scientifiques le nom. On découvrira ainsi la réalité de la démocratie et de la politique sur Internet. Enfin, une partie, hein, parce que... pour en dire beaucoup. Voilà. Ok, bon bah ça s'annonce fascinant tout ça. Si t'as trouvé l'angle scientifique indispensable pour en parler dans Podcast Science, c'est top, hein. Absolument C'était excellent. plus long. C'est vraiment bien. Bon moi je vous annonce que la semaine prochaine je serai pas là, ce sera le tout premier Podcast Science sans moi, ça va être j'ai l'impression de vous lâcher le bébé là, ça va être un petit peu difficile. Être compliqué Mais là. je vous fais confiance, je vous laisse les clés de la maison. La semaine dernière, on a fait des afters un peu en catastrophe parce qu'on est arrivé au bout de l'émission et puis voilà. Je vous propose que cette fois, on les fasse d'emblée et que ce soit pas totalement en catastrophe. Donc officiellement, et en plus j'ai trouvé le bouton, on rallonge l'émission à partir de maintenant, comme ça on n'est pas obligé de se précipiter. On aura le temps de se dire au revoir, le temps de faire la côte, de lâcher une ou deux petite news, de démontrer surtout qu'on est incapable de tenir une durée fixe. Il viendra, je suis sûr qu'un jour on y arrivera. Finalement, c'est l'avantage du podcast sur la radio, c'est que si on a envie de prolonger, on prolonge. Alors par quoi on commence? Peut-être une news de dernière seconde. En fait, c'est une breaking news. Elle vient de tomber sur nos prompteurs, c'est-à-dire sur Twitter. C'est notre ami John Kallak qui nous l'a envoyé. Vous vous souvenez de l'histoire des neutrinos plus rapides que la lumière? La grande question, c'était est-ce qu'on s'est planté dans les mesures ou est-ce que la théorie de la relativité restreinte présente une limitation qu'on n'avait pas identifiée. Ben, il semblerait que selon de nouvelles sources, c'est plutôt la première hypothèse qui était la bonne, c'est-à-dire qu'il y a un problème avec les instruments de mesure. La théorie d'Einstein s'en est sauve, une fois encore, elle s'en sort toujours, quoi. Elle passe toutes les difficultés. Ce serait un problème dans le câblage du récepteur GPS. On a retweeté la news pour ceux que ça intéresse, et puis on mettra un lien dans les notes de l'émission. C'est une news en anglais, je pense qu'elle va être abondamment reprise. Elle sera certainement traduite. Du coup, c'est probablement quelque chose dont on va reparler également dans le Mais podcast. c'est fiable? Enfin, c'est quoi? La news, elle vient de tomber là à l'instant et ça a été retweeté à l'instant. Enfin, Alors, c'est le Science Mag qui. exactement, ouais, c'est une source fiable, c'est Science. D'accord, ok. Par contre, elle date du 22 février à 1h45 de l'après-midi. Je ne sais pas où ils sont, ce que veut dire 1h45. Est-ce qu'elle vient de tomber ou est-ce que c'est juste John Kala qui vient de la voir? J'en sais rien. Moi, j'en avais pas entendu parler encore. C'est la première fois via ce tweet que j'en entends parler. Je pense qu'on va en entendre beaucoup parler. Ouais, Parce moi que ça c'est quand m'étonne pas que ça même. vienne du GPS parce que vu comment il déconne le mien, je trouve ça pas étonnant. Ouais, alors ton Ah, c'est quand même matériel grosse électronique information, n'est quoi. pas forcément une référence, Franck. C'est vrai. Ok, Ouais, parce que c'est sinon. une grosse information et moi ça me rassure en tout cas. Ouais, On n'est pas bien, ouais. Sachant que ça peut pas non plus tuer la théorie d'Einstein, au mieux ça fait qu'elle n'est pas assez précise maintenant pour certaines expériences. C'est Oui, ça, de toute mais ça façon. m'embêtait quand même de me dire qu'il y avait plus rapide que la lumière, alors que j'ai appris tout ça toute ma vie. Attends, ça permet de remonter le temps. Ouais, ça c'est Ouais, sympa. mais j'ai jamais trop cru à ça aussi, donc ça, voilà, ça m'aurait chamboulé trop de concepts à la fois là. Donc je suis content. Ouais, moi aussi, finalement. Assez content que le bon vieil Einstein, dont je suis en train de lire la biographie, qui est absolument passionnante d'ailleurs, ait raison une fois de plus. Mais il y aura bien un jour où on va trouver un complément à la théorie de la relativité, mais ce sera pas comme ça, ce sera plus classe. Ouais. Sinon, concernant les news du podcast, cette semaine est une semaine avec illustration. Si vous aimez Bref, vous allez particulièrement apprécier l'illustration de Lucille de cette semaine. Elle est déjà sur le site, c'est en rapport avec les mathématiques. C'est génial, moi j'adore. Je sais pas, vous l'avez tous vu les uns et Ouais. les autres? Ouais, Est-ce j'ai vu. qu'on. Ah, moi, j'ai adoré, hein, en tout cas. J'adore Bref, tu vois. Et j'ai Est-ce qu'on vraiment peut. adoré cette illustration. Ouais. Elle est géniale, ouais. Oui, Nico? Est-ce qu'on peut raconter une blague mathématique à Lucille sur l'infini? Vas-y, essaye. Que t'en avais une, il me semble, non? Alors, ouais, mais je pensais peut-être m'en servir comme quote. Bon, c'est pas Ah grave, bon, on bah alors, c'est pas verra. grave, c'est pas grave. Non, non, on prendra une autre quote. Ça me permet de faire un petit plug pour le blog Science Étonnante, qui est toujours super. Vraiment, allez-y si vous n'avez pas l'habitude. Enfin, si vous vous êtes pas abonné, abonnez-vous, quoi. C'est le blog de David de Loapre. J'espère que ça se prononce comme ça. Son dernier post est un petit peu en rapport avec la notion d'infini. Ça porte sur le nombre 0,999999 périodique. Tu veux dire sur un, quoi. Bah ouais, sur 1, justement. Il démontre, en prenant plusieurs angles différents, que 0,99999 périodique est égal à 1. C'est pas un sujet qui m'aurait branché d'emblée comme ça, mais comme je Mais savais que c'est tu allais vrai, ça? parler d'infini. Ouais, Ah ouais, j'ai j'ai hésité dit à vous pareil en dans le parler parler en d'article, primaire. c'est génial. Ouais. Oh là J'ai là, hésité mais à moi vous je me en rappelle. parler, ouais. Quand j'étais en primaire, j'avais un pote, j'en avais une controverse. Moi, je disais que ça atteindrait jamais 1 et lui disait que ça atteignait 1. Non, non, alors non, non, ça ne tend pas vers 1, c'est égal à C'est égal à 1, donc c'est lui qui avait raison. 1. Ok. Il n'y a pas de C'est ça qui est limite, hein, c'est juste magnifique. égal à 1. Mais en Ouais, fait, Franck, là. il y a Franck, trois ou quatre excusez-moi. démonstrations. Oui, C'est Marco? assez simple en fait. Franck, si tu prends un tiers, Ouais. c'est 0,333333 à Ouais, l'infini. 3 fois 1 tiers, ça fait Et si 1. tu fais 0,3333 à l'infini, tu multiplies par 3, ça fait 0,9999. Alors, Ouais. comme c'était égal à 1 tiers, 3 fois 1 tiers, ça fait 1 aussi. Ouais, faut... c'est vrai que Donc, c'est simple en fait. 0,999 à l'infini égale 1 tiers. Égale 1, pardon. Ouais, non, j'ai compris, ouais. Tu Ok. Ouais, comprends ça veut dire le que... principe? Et une des démonstrations, et pour les plus sceptiques, il y en a d'autres. Enfin, vraiment, par tous les angles, ils démontrent que 0,9 périodique est égal à 1. Et puis, bah, là où je voulais en venir, c'est qu'en conclusion de son poste, il finit avec une petite blague. C'est combien faut-il de mathématiciens pour changer une ampoule? Et la réponse, Nico, je te la laisse. 0,9999999999 Voilà. et ainsi de suite. C'est une blague de geek matheux. C'est ça. Ok, Quand vous aurez lu sinon. l'illustration, vous comprendrez pourquoi on fait une blague de maths. Je pense que ça plaira à Lucille. Ok, sinon, est-ce que certains d'entre vous ont préparé des quotes? Alors, moi j'en avais une petite au cas où, si je Ok, la alors retrouve. attends. Ouais, alors du coup, moi je retrouve le bouton pour balancer le gong et hop. Et on t'écoute, Marco. Ouais, faut que je la retrouve. En Ah, fait, tu j'ai l'as fait une. parfois. Si, c'est bon, je. Non, en fait, c'est parce qu'elle m'avait fait rire. Alors, elle est attribuée à Woody Allen ou éventuellement à Kafka. Alors, il y a le doute Ce qui sur n'est ça, pas donc. pareil, hein, d'ailleurs. Non, mais je pense que c'est Woody Allen qui l'a repris de Kafka dans un film, en fait. Et il dit, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Voilà. Excellente celle-là. Ouais, je crois que c'est Woody Allen, moi, j'avais vu que c'était Woody Allen. Ouais, mais j'ai vu Woody Allen aussi, mais enfin ça n'exclut pas que Kafka l'édite d'abord. Ça lui ressemble aussi, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Ouais. son style aussi, ouais. Mais ça me plaît beaucoup. Et puis bon, évidemment, c'est en lien avec l'infini de ce soir. Top. Est-ce que tu as une quote ou est-ce qu'on en reste là pour aujourd'hui? Non, mais c'est bon. Ah, j'entends plus personne. Ok. Non, il n'y avait pas tous en même temps, On hein, va en c'est rester là tout. pour aujourd'hui. Donc, semaine prochaine, dossier d'Hélène sur les Anonymous, les différents mouvements, enfin la science de ces mouvements Internet. Épisode sans moi. Vous savez que ça me panique un petit peu quand même, l'idée de vous laisser comme ça les clés de Mais la maison. tu seras pas de connexion Internet là où tu seras? Écoute, je pense pas, non. Je vais Tu essayer vas en de me Tchétchénie pour tes débrouiller. vacances? Ça y va en haut des montagnes, si, ça doit suffire. Alors, c'est pas des vacances, mais je serai à Zurich, ouais. Peut-être que j'arriverai à m'éclipser pour trouver On une. t'enverra les tweets en SMS si tu veux. Ah ouais, bonne En idée. pigeon voyageur, ouais. Ouais, ça devrait Non passer. mais Alan, si ça peut te rassurer, nous aussi ça nous panique. Ah ouais, non. Bon, mais comme ça on est quitte. Non, mais vous allez très bien vous Ok. en sortir, franchement. Ouais, je me fais pas Ouais, de soucis. ça serait mieux que tu trouves une connecte quand même, hein. Ouais, je vous écouterai de loin. Si je trouve une connecte, ce Non, mais on sera va pas bien pour s'en sortir, hein, participer, je vais Franck, juste. tu Ah, vas tu très veux. bien faire le. Hey, Ah Franck, non, c'est tu vas toi, très bien Marco, faire non, le non. maître de cérémonie. C'est mort, non, non. Faut revoir, allez. Ouais, vous vous débrouillerez. Ok, formidable. Ben, merci encore à Nico pour le dossier de ce soir. Avec plaisir. Ah, c'était génial, ouais, merci beaucoup. Et puis, ben, à la semaine prochaine pour vous, entre vous et pour les auditeurs. Et puis moi, je vous dis à dans 15 jours. Oh. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Salut.